troisième temps de notre série consacrée à l'histoire des pédagogies nouvelles. Aujourd'hui, mercredi, c'est le jour des archives. Après avoir lundi travaillé sur l'histoire des pédagogies nouvelles des années 20 à aujourd'hui, puis nous être arrêtés hier dans le documentaire à réécouter et à télécharger sur le site franceculture.fr sur le cas de l'école de Crolly fondée après la Seconde Guerre mondiale à Saint-Mandé, en banlieue parisienne, nous allons ce matin nous demander dans une émission co-animée par Séverine Yatard ce que le XXe siècle, et en particulier ce que les guerres mondiales, ont fait aux pédagogies nouvelles, avec des textes qui seront lus pour nous par Nathalie Canoui, choisie et commentée par nos deux invités, Nathalie Duval, elle est professeure agrégée et docteur en histoire à Sorbonne Université, elle est auteure entre autres de L'École des Roches chez Belin, et le deuxième invité est Emmanuel Saint-Fucien, maître de conférence à l'École des hautes études en sciences sociales, auteur d'un Célestin Freinet, un pédagogue en guerre, 1914-1945, paru cette rentrée chez Perrin. Nous avons connu, au début du siècle, l'ère du piou-piou, du temps où les guerres n'avaient pas encore terni les capotes et les boutons, où les chansonniers disaient la mi-bidasse, tandis que les jeunes permissionnaires répétaient aux filles ébahies leurs aventures de caserne, comme des explorateurs racontant leurs exploits au pays des pygmées et des cannibales. Ils répétaient la théorie du caporal, expliquant à ses soldats immobiles et muets toutes les pièces du fusil gras ou le bel. Le caporal en avait appris la liste par cœur. Il se trompait parfois de pièces, montrant le guidon quand il parlait de la hausse. Mais la théorie était juste, ce qui était l'essentiel. Le but de la théorie, ce n'était pas d'apprendre à connaître ou à manier le fusil, c'était d'apprendre la théorie. La manœuvre du fusil, c'est une toute autre affaire. C'était l'époque du garde-à-vous et du petit doigt sur la couture du pantalon. « Vous, là-bas, qu'avez-vous à dire? D'abord, taisez-vous ou vous allez au bloc. Avant de parler à un supérieur, rectifiez la position. Silence dans les rangs !» Cette discipline pour revue de music hall a disparu de l'armée et de la caserne. La guerre l'a tuée. Elle s'est réfugiée à l'école qui, insensible aux guerres ou aux bombardements, en est restée à l'ère du piou-piou, de la théorie et du sabre au clair. Pour délier les mains au dos et secouer les rangs, il y faudrait, comme pour l'armée, un raz-de-marée qui disperse l'école en tirailleurs, qui donne à l'initiative et à l'ingéniosité le pas sur la forme des mots, la rigidité des gestes et le prestige de l'autorité. Et qui lance maître et élève dans une commune aventure où l'on doit, pour se sauver, se sentir les coudes et se tutoyer. Il y faut l'aventure de la vie. Bonjour Séverine Yatard. Bonjour. C'est un texte de qui ? De Célestin Freinet, Emmanuel Saint-Fucien qui nous l'a proposé. Et qui date d'après la Seconde Guerre mondiale, en 1949. Oui. Bonjour Emmanuel Saint-Fucien. Bonjour. C'est un texte qui dit beaucoup de choses tout de même. C'est un texte qui dit beaucoup de choses, c'est un texte qui énonce des attendus, la dénonciation de l'école caserne, une sorte d'antimilitarisme qui s'en prend aux figures du sous-officier, du caporal ou de l'adjudant. Mais c'est un texte qui dévoile aussi des choses inattendues ou plus étonnantes, hein, notamment liées à l'expérience combattante, liées directement à la guerre et à ses effets sur les pratiques, sur l'autorité, l'exercice de l'autorité, une sorte de déhiérarchisation, d'horizontalisation, je ne sais pas exactement comment le dire, des relations d'autorité entre officiers et soldats, entre élèves et enseignants. Et c'est ce parallélisme-là qui est étonnant. L'école devient le siège de l'autorité verticale, de l'autorité d'encadrement du rang, au fait. Il y a deux rangs, il y a le rang scolaire et le rang militaire, alors que l'armée en campagne, l'armée en guerre, elle, a mis en place une nouvelle forme d'encadrement et d'autorité imposée par les conditions du combat, le combat qu'a vécu Célestin Freinet lors de sa Première Guerre mondiale. Oui, parce que dans ce texte, eh bien, Célestin Freinet sait ce qu'est un guidon, et sait ce qu'est une hausse, ce que peut-être tous les Français de 1914 49 ne connaissent pas parce qu'ils n'ont pas pratiqué la guerre, en particulier la Première Guerre mondiale. Et c'est ce que vous racontez dans votre livre qui vient tout juste de paraître, Un pédagogue en guerre, 1914-1945. Emmanuel Saint-Fucien, c'est paru chez Perrin. C'est justement cette expérience guerrière qui, selon vous, nuance, pour le moins, l'idée que l'on se faisait de Célestin Freinet, c'est-à-dire un pacifiste, permanent pacifiste, alors que vous dites que la guerre l'a, d'une certaine façon, accompagné depuis ses 18 ans jusqu'à la fin de sa vie. Oui, et pas seulement la Première Guerre mondiale. Il faut rappeler une banalité, une évidence hein, pour tous les hommes et les femmes de sa génération. Il est né en 1896, il meurt à 70 ans en 1966. Durant sa vie d'adulte, son pays, la France, est en guerre pendant plus de la moitié de sa vie d'adulte. 14, 18, 39, 45, 46, 54, 54, 62. Donc il traverse un siècle de guerre. Mais deuxième point, il le traverse personnellement par trois guerres. La première qu'il fait en tant qu'artilleur, en tant que soldat, en tant qu'aspirant. Oui. Ouais, c'est très difficile, c'est important, on en reparlera. C'est le grade le plus élevé des sous-officiers qui aspire à passer officier. Mais il a deux autres expériences de guerre très importantes. La guerre d'Espagne, qu'il va mener de l'arrière, d'un home front, véritablement front de l'arrière, son école privée de Vence qui ouvre en octobre 1936, c'est-à-dire qui est au moment de la guerre d'Espagne et qui va tourner entièrement, toute sa pédagogie va être tournée vers le soutien à la guerre d'Espagne et au camp républicain. Et puis, cette troisième expérience de guerre, la seconde, 39-45, qui va traverser au moins de trois manières différentes. On y reviendra avec vous tout à l'heure. Emmanuel Saint-Fucien, Nathalie Duval, il y a une autre guerre qui peut aussi être un horizon ou un background de ces questions de la pédagogie nouvelle. C'est une guerre perdue en 1870 et c'est cette guerre qui fait réfléchir des idéologues, des gens qui réfléchissent à la question de l'éducation nouvelle à la fin du 19e siècle pour essayer de comprendre pourquoi la France n'est pas, par exemple, à la hauteur du Royaume-Uni, n'est pas à la hauteur des Anglo-Saxons, comme l'écrit Desmoulins, qui est un de vos héros, puisqu'il est le fondateur en tant que sociologue de l'école leplésienne, élève de Frédéric Leplay, le fondateur de l'école des Roches, sur laquelle vous avez écrit une thèse, en l'occurrence Nathalie Duval. Oui, Edmond Desmoulins fait partie de ces personnalités qui, à la fin du 19e siècle, considèrent que la défaite de la France est due à la victoire de l'instituteur prussien, donc une qualité d'enseignement supérieure à celle de la France. Mais Edmond Desmoulins tourne ses yeux davantage vers la Grande-Bretagne plutôt que vers la Prusse et l'Allemagne, et l'Empire allemand qui s'est créé à la suite de ces événements, de la guerre 1870. Edmond Desmoulins est anglomane et il regarde les public schools, donc du côté de l'outre-Manche, ces écoles qui, dans leur pédagogie, intègrent le sport, la discipline. Mais Edmond Desmoulins propose plutôt les écoles nouvelles, les new schools, qui veulent réformer justement ces public schools britanniques et proposer des écoles où une ambiance plus familiale, une relation de confiance s'instaure entre l'éducateur et les élèves. Donc son modèle est britannique. Et donc il y a toute une organisation, Nathalie Duval, à la fois de l'implantation de cette école, de l'organisation même sociale, puisqu'il y a un système avec des petites maisonnettes, des chefs de famille qui sont là pour coordonner, on va dire, les équipes d'élèves à qui on donnera certaines responsabilités. À titre d'exemple, avant d'aborder le côté plutôt scolaire et d'organisation des études. Et donc Edmond Desmoulins, en tant que sociologue plutôt que pédagogue, c'est en effet un disciple de Frédéric Leplay et plus particulièrement d'Henri de Tourville, qui est un prêtre, et ensemble ils vont fonder une revue, La Science Sociale, que va diriger Edmond Desmoulins, et il publie des articles dans La Science Sociale dans lesquels il explique ce qu'il a pu observer en visitant les public schools, et en particulier les écoles nouvelles, les new schools, et il y inscrira d'ailleurs son propre fils, Jules Desmoulins, il rassemble ses articles dans un livre intitulé « À quoi tient la supériorité des anglo-saxons » qu'il publie en 1898. Et qui est un succès. Et qui est un succès, qui est traduit en une vingtaine de langues et même en japonais, ce qui est quand même remarquable pour l'époque. Et il explique le système du capitanat qui lui paraît essentiel pour justement faire participer les élèves dans la vie de l'école. C'est ce qu'il va transposer dans un projet d'école l'idéal qu'il va proposer aux familles françaises. À certaines familles françaises, puisque dès le départ, l'école des Roches est une école spécialisée qui va plutôt recruter ses premiers élèves, et c'est encore vrai aujourd'hui, dans les classes bourgeoises favorisées du commerce et de l'industrie, et jusqu'à aujourd'hui, plutôt une école qui va dans les milieux très très favorisés de diplomates ou de choses comme ça. Parce qu'elle est payante, Nathalie Duval. Oui. Alors, Edmond de Molins, c'est un véritable entrepreneur en éducation, c'est un sociologue qui ne se limite pas à la théorie, il passe à la pratique. Il met en place cette théorie du particularisme qu'il a décrit dans son ouvrage « À quoi tient la supériorité des anglo-saxons ». Et comme c'est une création, il fait pari de créer une école ex nihilo, donc il a besoin de finances. Donc il s'adresse à des promoteurs qui disposent de ces finances et qui souhaitent proposer à leurs enfants une école différente des lycées publics qui sont comparés à des écoles casernes et qui ont reproche de former les garçons au métier de la fonction publique ou de l'armée. Il souhaite former des entrepreneurs. Donc il va passer à la création d'une école en proposant aux familles négociantes intéressées de financer son projet d'école. Il faut peut-être préciser, Nathalie Duval, ce qu'il entend avec ce terme de particularisme qu'il a inventé avec monsieur de Tourville, donc des Molins. C'est une doctrine particulière qui, disons, est pour le moins méfiante vis-à-vis de l'intérêt de l'État, ou du moins de l'intérêt pour les citoyens de se confier entièrement dans son éducation à l'État. Edmond de Molins est profondément libéral. Il se méfie de l'État, effectivement. Il définit le particularisme comme une théorie selon laquelle le monde se divise en deux types de sociétés. Les sociétés dans lesquelles les individus se prennent en charge sont capables de se débrouiller par eux-mêmes, de mener des actions, des initiatives. Ce sont plutôt les pays anglo-saxons d'Europe du Nord et auxquelles il oppose les communautés où l'individu est pris en charge par le groupe, par la tribu, par la famille et par l'État. Donc il souhaite, pour renouveler les élites, et en particulier les élites entrepreneuriales, au moment où le monde déjà s'internationalise, souhaite transposer, mettre en pratique cette théorie dans son école. C'est vrai, Nathan. Et avec cette idée que, évidemment, il faut former un homme dans sa globalité. Et ça, on le retrouve aussi, du coup, dans les autres problématiques d'école nouvelle à la même époque, enfin les pédagogues entre guillemets peut-être ceux plutôt de la Ligue qui se formera dans les années 20 avec Ferrières, etc. Donc il y a des liens, hein, bien sûr, entre les deux. Il y a cette idée de l'autonomie de l'enfant, de l'élève, de la globalité. Tout à fait. Edmond de Molins a une vision globale de l'enfant, puisqu'il s'inspire de ce modèle des New Schools. Il souhaite bien sûr former l'intelligence par les classes, la formation scolaire. Ce sera une école d'enseignement secondaire qui préparera au baccalauréat, dont il se méfie d'ailleurs, mais surtout le corps par le sport, hein, et puis aussi le caractère, la personnalité, le goût pour les responsabilités et l'initiative. Oui, alors c'est d'ailleurs très intéressant, parce que ce que vous notez l'un et l'autre, et ce que notent les historiens et historiennes qui travaillent sur cette question d'éducation nouvelle, c'est quand même cette porosité entre le rôle de l'instituteur et le rôle qui est dévolu dans le reste de la société, en particulier à la société militaire, à l'officier ou au sous-officier. Un exemple, une conférence d'un Durkheimien, Paul Lapi, cofondateur de l'année sociologique, professeur de philosophie à Bordeaux et recteur à Toulouse, qui en 1908 se rend dans l'école des sous-officiers de Saint-Mexant, que j'ai eu l'occasion de fréquenter il y a déjà un petit moment. Donc, et cette école de sous-officiers de Saint-Mexant dans les Deux-Sèvres donne l'occasion à Paul Lapi de faire la comparaison entre les deux statuts. N'avons-nous pas les uns et les autres une influence à exercer sur la conduite d'autrui? Ne sommes-nous pas les uns et les autres des éducateurs? Dès lors, j'ai cru qu'il pourrait n'être pas sans intérêt de réfléchir avec vous sur notre art commun, l'art de l'éducation. D'autant plus que depuis quelque temps, l'éducation militaire et l'éducation universitaire subissent une même évolution. Dans l'université, nous nous efforçons de substituer aux méthodes d'autrefois qui laissaient l'esprit passif et lui versaient du dehors des connaissances toutes faites, des méthodes actives qui éveillent la curiosité, invitent l'enfant ou le jeune homme à chercher par lui-même la vérité. Or, si j'en crois d'excellents témoins, le même changement s'opère dans les procédés pédagogiques qu'on emploie à la caserne. La guerre moderne, divisant les unités en fractions menues, réclame une initiative, un esprit de réflexion constant, même chez le simple soldat. Il ne suffit donc pas de bourrer sa mémoire de théorie. Il faut lui apprendre à penser et à vouloir par lui-même. D'autre part, la discipline, dans l'armée comme dans l'université, tend à devenir plus libérale. Au règlement un peu rude des anciens lycées, a succédé ce qu'on appelle la discipline paternelle. En même temps, les articles les plus draconiens du code militaire sont tombés en désuétude. Qu'on le regrette ou qu'on s'en réjouisse, l'adoucissement général des mœurs entraîne l'adoucissement des pénalités militaires aussi bien que des pénalités scolaires. Votre régime disciplinaire et le nôtre, tout comme nos méthodes d'instruction, ont donc évolué dans le même sens. La pédagogie autoritaire, sans abdiquer, fait place à la pédagogie libérale. Emmanuel Saint-Fucien, alors vous dites bien hein, dans votre ouvrage que certes il y a des pédagogues qui se battent un petit peu pour que justement la discipline soit plus douce, voilà dès le début du XXe siècle, mais qu'en fait la grande majorité de ce milieu scolaire, des formateurs, dans les écoles normales, associe en fait tout à fait l'école à l'armée et l'associe de manière tout souhaitable, enfin comme un modèle. Alors, c'est moins une association comme un modèle que deux grandes institutions, les deux grandes institutions normatives de la Troisième République qui sont soumises à une même respiration jusqu'à 1914. Cette même respiration, dans le texte qui vient d'être lu, on le voit très bien. Il y a dans la proximité des deux institutions, on voit une sorte de dédisciplinarisation, ou plutôt d'assouplissement, hein, la discipline libérale, qui est une sorte de vraiment credo du début du XXe siècle. Il faut préciser que à la fin de ce texte, hein, Paul Lapie met en avant comme méthode la suggestion issue de l'hypnose, hein, la suggestion, la pratique suggestive, qui est donc sortie de chez Charcot et de chez les autres. De chez Bernheim, plutôt Hippolyte Bernheim. Vrai, ouais. Voilà, exactement. C'est une suggestion possible pour tout le monde, quoi. Possible par le pédagogue, par le militaire, etc. Freinet, dans son premier texte sur la discipline scolaire en 1928, va d'ailleurs promouvoir cette suggestion en s'appuyant sur des psychanalystes comme Charles Baudouin. Il est issu aussi de cette culture. S'il n'y a plus d'autorité contraignante, s'il n'y a plus de force, les pédagogues, comme les militaires, cherchent autre chose. Et il y a dans la suggestion et l'appropriation de la volonté, les deux grands piliers. Donc on voit cet assouplissement à l'œuvre. Mais quelque chose va séparer définitivement les deux institutions, définitivement, peut-être pas tout à fait, mais va en tout cas, c'est évidemment l'expérience de guerre. Elle va les séparer de deux façons, parce qu'elle va transformer en profondeur les pratiques d'autorité et d'obéissance de manière absolument partagée par l'ensemble d'une génération et par ailleurs, évidemment, par le pacifisme qu'elle va entraîner après 1918. Et cette expérience de guerre ne va pas faire que du bien à des écoles comme l'école des Roches, en l'occurrence Nathalie Duval, pendant la Première Guerre mondiale en particulier. Vous expliquez combien cette période des années 1900 est très favorable à la multiplication de ces écoles privées. Vous en notez 7 ou 8, je crois, sur l'ensemble de la France avant 1914, et il n'en restera plus que 4 après la fin de la Première Guerre mondiale, parce que les restrictions vont empêcher justement ces écoles de continuer à exister. Il y en avait une d'ailleurs qui était fondée par des gens dont on a déjà parlé, donc avant la Première Guerre mondiale, qui va s'arrêter en 1917 parce que on ne pourra plus la faire vivre. C'est une école de type anarchiste libertaire voulue par Sébastien Faure, dont on avait parlé dans notre série sur les anarchismes de début de ces débuts d'année, la première semaine de la rentrée. Sébastien Faure va devoir abandonner l'expérience de la ruche, et non pas des roches en l'occurrence, en 1917, parce que ça ne marchera plus, il n'a plus les moyens de la faire fonctionner, cette école qui, elle, n'était pas destinée à des jeunes élèves très riches comme l'école des Roches, mais à des jeunes élèves au contraire très pauvres. Oui, la ruche faisait partie de cette douzaine d'écoles nouvelles qui ont été créées en France entre 1898 et 1914. L'école des Roches s'étant présentée comme un prototype et annoncée comme telle par Edmond de Molins dans un deuxième ouvrage intitulé L'école des Roches, l'éducation nouvelle. La ruche a disparu comme d'autres écoles nouvelles l'école de Guyenne, le collège de Liancourt, donc n'ont pas réussi à surmonter les épreuves financières causées par la Première Guerre mondiale. L'école des Roches a été occupée enfin non, elle n'a pas été occupée, elle a été transformée en hôpital militaire. Mmh. Donc elle a dû faire face aussi à tous les aléas liés aux événements et puis les conséquences économiques. Les débuts de l'école des Roches ont été assez chaotiques hein, jusqu'en 1903. Quatre directeurs se sont succédés. Edmond de Molins s'étant à la présidence du conseil d'administration. C'était une forte personnalité. Le premier personnage qui a réussi à s'imposer, c'est Georges Berthier, qui est devenu directeur en 1903. Et qui va le rester jusqu'en 1944. Et son école va inspirer d'autres promoteurs, des industriels qui, alors du côté de Rouen, vont créer en 1902 le Collège de Normandie, qui va réussir aussi à passer l'étape de la Première Guerre mondiale, mais ne survivra pas à la Seconde Guerre mondiale. Oui, et c'est vrai que ce Georges Berthier est un personnage intéressant parce qu'il doit composer avec la réalité, avec le réel. C'est-à-dire que dans cette France du début du XXe siècle, eh bien, il va devoir changer un peu les principes de base, il va devoir se couler un peu plus dans le modèle de l'éducation nationale, de l'instruction publique, et en particulier, eh bien, mettre la réussite au baccalauréat, qui était pourtant vouée aux gémonies par le fondateur Edmond de Molins, donc comme un critère de réussite de sa propre école, à savoir l'école des Roches. Georges Berthier a eu l'intelligence de trouver une via média. C'est ce qu'il explique dans son livre intitulé « Sobrement l'école des Roches » qu'il publie en 1935, dans lequel il fait le bilan, il dresse le bilan de sa direction de l'école et de ses particularités éducatives. Donc une via média entre le modèle britannique qu'Edmond de Molins voulait absolument reproduire en France, transférer, avec beaucoup de sport, beaucoup trop de sport selon les parents de familles françaises qui étaient soucieux de que leur progéniture réussisse leur baccalauréat alors que Edmond de Molins aurait souhaité qu'il disparût et avec les humanités classiques qui sont justement une culture très plutôt académique avec des auteurs comme Charles Péguy, Mauriac qui pouvaient être étudiés, présentés aux Rocheux, puisque c'est ainsi qu'on nomme les élèves de l'école des Roches. Et il y a tout un discours, hein, notamment voilà, soutenu par Georges Berthier, mais qu'il était peut-être déjà par de Molins, mais justement, est-ce que la Première Guerre mondiale n'a pas approfondi cette idée que donc du soin du corps, de la question de la santé des élèves avec une surveillance médicale extrêmement importante hein, pour assurer aussi les parents, mais dans ce principe que l'élève doit se développer corps et âme, on va dire. Donc l'installation d'une infirmerie avec une infirmière sur place, donc ça c'est aussi assez novateur pour l'époque. Donc justement, Nathalie Duval, est-ce que ça, bon, c'était déjà présent peut-être chez Desmoulins, mais là Berthier va tout faire pour que ce soit mis en place et que cela fonctionne très bien à l'école des Roches, peut-être, et davantage après la Première Guerre mondiale. Je sais pas, c'est une question. Alors, Georges Berthier, en effet, a une vision globale aussi de l'enfant et donc introduit aussi une notion, la notion de former des élites, mais des élites qui aient le sens social. Et donc, il va développer davantage le caractère communautaire, créer un lien plus important entre les élèves et donc développer les pratiques sportives collectives, comme le football, la gymnastique suédoise, la natation. Donc il y a à la fois des sports individualistes, plutôt aristocratiques comme l'équitation et le tennis, mais aussi des sports qui cultivent l'esprit de groupe et auprès par les élèves, avec en plus le suivi du corps, du développement de l'enfant, puisqu'il s'agit qu'il soit en bonne santé, qu'il y ait cet équilibre entre une tête bien faite et un corps bien fait. Alors, cette Première Guerre mondiale va jouer un rôle fondamental, expliquez-vous de votre côté, Emmanuel Saint-Fucien, dans votre livre sur Célestin Freinet, sur cette personnalité qui, à 18 ans au moment de la déclaration de guerre, qui doit, dans les premiers mois de la guerre, prendre une classe alors qu'il n'a pas fini son école normale, qui va s'engager dès 1915 pour devenir élève officier à Saint-Cyr et qui va être donc aspirant pendant toute cette Première Guerre mondiale, qui va être blessé en 1917. Et vous avez eu la chance de trouver dans les archives non seulement des témoignages physiques, pourrait-on dire, de cette guerre de Célestin Freinet qu'il avait gardé jusqu'à la fin de sa vie et que ses héritières ont déposé aux archives départementales des Alpes-Maritimes, en particulier la balle qui lui a traversé le poumon en 1917. L'épaule, en 1917. Mais mais aussi son carnet de guerre de Célestin Freinet, dans lequel vous notez qu'il est peut-être déçu par le rôle qu'il est obligé de tenir pendant cette Première Guerre mondiale, qui ne correspond pas, en tout cas, aux aspirations de cet aspirant. Oui, ça, parce que justement, précisément, il reste aspirant, ce qui, dans l'histoire militaire de 14-18, est une anomalie. Il fait son stage à Saint-Cyr en 1915, il monte au front en février 1916, hein, et il doit très vite normalement passer officier, sous-lieutenant. Pourquoi ? Parce qu'en 1915, déjà, tous les officiers d'active sont morts ou blessés. Il faut donc remplacer les cadres. Or, Célestin Freinet ne passe pas et ne passera jamais sous-lieutenant. Hein, et il vit ça de manière très difficile. Son carnet, un petit carnet écrit au crayon à carbone de 132 pages, est traversé par cette expérience douloureuse de l'autorité. Il ne trouve pas la distance avec ses officiers, il ne trouve pas la distance avec ses hommes, il enrage de ne pas passer sous lieutenant, il voit des subalternes, caporaux ou sergents devenir ses supérieurs. C'est une expérience douloureuse. C'est une expérience douloureuse, mais qui va à un moment s'éclairer et qui est dans un moment très important de l'histoire de l'armée française et donc des conscrits. Hein, il faut se souvenir, hein, 8 millions d'hommes mobilisés, encadrés par 200 000 soldats. Et ce moment, c'est 1916, quand Freinet va découvrir une arme, le fusil mitrailleur, et un changement tactique très important imposé par l'état-major, la constitution de petites cellules tactiques de 25 soldats organisées en armes complémentaires autour d'une arme détenu par le chef de section. Or, Freinet, chef de section, le fusil mitrailleur. Freinet apprécie cette arme, il l'écrit, il le dit, et à partir de ce moment-là, parvient à tisser un lien avec ses soldats dans cette tactique d'armes complémentaires au sein d'une unité. Et ça, pour vous, c'est quelque chose qui, alors qu'on a beaucoup insisté sur le pacifisme, en particulier de ces personnes de l'éducation nouvelle pendant l'entre-deux-guerres, qui est une expérience qui n'est pas dite par Freinet directement, mais qui est dite par ce carnet, qui est dite par tout un tas d'autres moyens que vous avez utilisés comme historien d'autres archives, et qui, disons, permet d'envisager l'horizon d'un autre enseignement après la Première Guerre mondiale, selon vous, Emmanuel Saint-Fucien. On peut juste constater, et je ne fais que ça, constater le parallélisme des mots, des catégories et des expériences entre cette expérience de guerre et l'expérience qui va permettre à Freinet de trouver la solution dans sa salle de classe en 1924, alors qu'il est en souffrance, qu'il est en douleur auprès de ses élèves, que ses bulletins d'inspection sont très négatifs, qu'il est déprimé, qu'il est frappé d'aphasie, et que tout à coup, ça marche. Le bulletin d'inspection de 1924 est élogieux. Lui, à partir de ce moment-là, commence une carrière. Qu'est-ce qu'il fait ? Il pose une machine au milieu de sa classe et il organise ses élèves en compétences complémentaires autour d'une machine, la presse à imprimer. Et à partir de ce moment-là, au centre lui-même de ses élèves et de sa classe, parvient à bâtir une pédagogie qui va le porter jusqu'à son statut de pédagogue, instituteur, penseur, en autorité. Mais Emmanuel Saint-Fucien, vous précisez bien que quand même, voilà, c'est pas le seul Célestin Freinet à justement être complètement déprimé, déphasé au lendemain, évidemment, de cette Première Guerre mondiale. Vous citez des rapports d'inspection où il y a des enseignants qui sont complètement démobilisés, c'est le cas de le dire, dans leur classe, qui ne savent plus faire classe, qui sont défaillants. Alors vous prenez l'exemple de la parole, de l'éloquence, par exemple, où il y a des rapports d'inspection qui montrent que, voilà, un tel qui était un professeur, voilà, connu justement pour sa prestance et son savoir-faire de retour de guerre. Absolument. Jusqu'à un certain point, il est très représentatif de son corps de métier. Les instituteurs, c'est 35 000 combattants. Sur les 35 000 combattants, il y a 7 500 morts, presque 10 000 blessés. Après les officiers de carrière, c'est le métier qui a le plus payé. C'est 23 % de pertes, c'est presque 5 points au-dessus de la moyenne nationale. Et quand on regarde les bulletins d'inspection, je les ai regardés notamment aux archives départementales de la Seine, c'est vraiment une sorte de lieu commun des archives de 1919-1920. À la rentrée, les inspecteurs constate la difficulté pour les instituteurs de retrouver leurs élèves, de rentrer dans la classe. L'aphasie dont vous parlez, des difficultés de parole, on passe des concours pour changer de métier, on se met en arrêt maladie. C'est vraiment une expérience. Hein, il faut attendre 1921 pour que les choses se stabilisent au sein des salles de classe. Oui, et pourtant, ces mêmes personnes qui ont été traumatisées par la guerre, avant la guerre, avaient réfléchi à ces questions de petites organisations qui permettaient de se mobiliser, en particulier les organisations scouts. Le témoignage de Michel Poutarot, qui raconte son expérience des scouts, en particulier à l'école des Roches, par Nathalie Canoui. La première troupe scout a été créée à l'école des Roches en 1911. Il s'agissait d'une troupe d'éclaireurs de France qui avait la particularité d'être laïque, et plus précisément neutre. Il ne faut donc pas les confondre avec les scouts de France, catholiques, qui sont apparus bien plus tard en 1920. Georges Berthier, directeur de l'école, portait avec prestance l'uniforme des éclaireurs de France dont il a été le président de 1920 à 1937. À cette époque et à son âge, c'est-à-dire 50 ans, il n'hésitait pas à se balader en culotte courte, tout comme les jeunes chefs scouts qu'il instruisait au camp école de Capy, dans l'Oise. Durant la période de la guerre, des élèves sont restés aux Roches, aux Champs, où ils ont fondé une troupe. Ils étaient alors en zone occupée par les Allemands qui avaient interdit le scoutisme, le port de l'uniforme, ainsi que les camps. Malgré cette interdiction, nous avons continué à nous réunir en camp et en uniforme pour faire le salut aux couleurs, suivi de la Marseillaise. Précisons qu'il y avait des points très importants dans le scoutisme. Savoir faire preuve de fraternité, suivre la loi, passer des épreuves. Auprès de chaque maison, dans notre école, il y avait un local qui avait été construit par les éclaireurs qui s'y retrouvaient pour leurs différentes manifestations. On a dit « À quoi bon cette nouvelle organisation ? L'idéal des éclaireurs n'est-il pas celui de tous ?» Les éclaireurs n'ont rien inventé, mais ils sentent le besoin de vivre ces principes chers à tous, de les mettre en pratique par des exercices appropriés, de former à l'école non pas une élite exclusive et fermée, mais un corps largement ouvert à tous. La communion d'âme était un principe cher à Georges Berthier et à Henri Marty. Tous, aux Roches, nous voulons être éclaireurs. Au moins de cœur. France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin. Nathalie Duval, voilà un texte lu par Nathalie Caloui, fort intéressant, qui mêle, et vous êtes aussi spécialiste de cette question des scouts, qui mêle la discipline scout, la façon dont on envisage la vie à travers ce scoutisme, et puis justement cette expérience de l'éducation. Vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus sur cette question-là ? Alors le scoutisme est un mouvement de jeunesse qui est apparu en France vers 1911 en s'inspirant du premier camp scout créé par Baden-Powell en 1907. Et l'école des Roches a contribué à la diffusion du scoutisme en France. Dès 1911, le major Batman, envoyé par Baden-Powell lui-même, a contribué à créer cette troupe à l'école des Roches à la demande de Georges Berthier. Et Georges Berthier a créé l'association Les Éclaireurs de France avec André Lefebvre et Nicolas Benoît aussi. Ce qui est intéressant, c'est le fait que ce mouvement de jeunesse s'est diffusé vers les différents milieux populaires dans la mesure où Georges Berthier ne l'a pas réservé à l'école des Roches et uniquement aux élèves de l'école des Roches. Il a souhaité utiliser les éclaireurs de France pour former des élites dans tous les milieux sociaux, c'est-à-dire l'éducation populaire. Et dans le camp école au scoutisme, les éclaireurs de France, situé à Capy, dans la commune de Verberie, dans l'Oise, il a contribué justement à former ces élites, ces jeunes cadres, des éclaireurs, et à diffuser ces pratiques, ces mouvements de jeunesse dans différents quartiers parisiens, notamment la rue Mouffetard, la Maison pour tous. Avec la Maison pour tous, la rue Mouffetard, et effectivement l'influence qu'elle a eue profondément jusque dans les années 50 et 60 d'ailleurs sur le quartier populaire qui était à l'époque la rue Mouffetard. Et donc quel est le lien avec cette idée de pédagogie nouvelle, le scoutisme, c'est quoi ? C'est l'excursion, l'organisation d'un petit groupe avec effectivement quelqu'un qui un chef entre guillemets qui va coordonner, un rapport à la nature aussi, une sorte d'autogestion. Alors la pratique du scoutisme à l'école des Roches est tout à fait cohérente avec le projet pédagogique de cette école, dans la mesure où c'est un mouvement de jeunesse qui fait le pari de confier des responsabilités à des jeunes qui encadrent d'autres plus jeunes enfants. Et c'est justement ce pari qui place l'enfant au centre de son propre self-government, sa propre éducation, de son développement, puisque c'est une éducation développante qui cultive la débrouillardise, le sens pratique, le sens des responsabilités, d'initiative et en même temps l'apprentissage de la vie en communauté. Emmanuel Saint-Fucien, on entend quand même cadre, élite, formation des cadres, formation des élites, qui sont quand même des grandes obsessions en France, en tout cas, des années 30. Oui, juste avant ça, Emmanuel Laurentin, oui. Si vous me permettez, j'ajoute juste, mais Nathalie Duval le sait bien, je crois l'avoir lu dans son livre, qu'il faut rappeler que, vraiment hein, que le scoutisme naît d'une bataille, hein, naît le siège de Mafeking pendant la guerre des Bourses, dans lequel le colonel Baden-Powell tient le siège aidé d'une troupe de cadets hein, de 9 à 15 ans. C'est donc, on retrouve exactement une expérience de guerre à l'origine hein, de cette organisation. Et par ailleurs, comme toujours, vous avez parlé, Nathalie Duval, tout à l'heure de l'importance de la guerre de 70, évidemment, dans l'histoire scolaire française, qu'on connaît bien, hein, les lois Ferry étant aussi adossées, en quelque sorte, à cette expérience de guerre malheureuse. Il en va de la même façon, en Angleterre, puisque la réforme la plus importante hein, de l'Education Act de 1902, avant la guerre de 14, est issue de cette expérience de la guerre des Bourses, hein, et donc est connectée, j'allais dire encore une fois, hein, comme souvent, hein, les institutions scolaires sont connectées aux expériences de guerre des pays qui les entourent. Et cette obsession, donc, des années 20 et 30 de rénover par la jeunesse aussi les cadres d'une nation vieillissante, de créer de nouvelles élites, ces termes qui sont difficiles à comprendre aujourd'hui, mais qui étaient absolument considérablement utilisés par les forces de gauche et par les forces de droite, d'ailleurs. Cette question de la création de nouvelles élites, c'est quelque chose qui est très fort dans cette France de l'entre-deux-guerres et dans l'Europe de l'entre-deux-guerres en général, Emmanuel Saint-Fucien. Surtout, me semble-t-il, dans l'éducation nouvelle de droite, entre guillemets. Moins dans l'éducation nouvelle libertaire, socialiste ou communiste, celle de Freinet, qui a plutôt pour objectif de former un prolétariat éclairé. Mmh. Et même si c'est une forme d'encadrement, mais ça n'est pas les cadres. En revanche, ce que vous soulignez est très juste, il va y avoir à un moment, révélation, en tout cas c'est ce que je pense, tout le monde n'est pas d'accord sur ça, que ça n'est pas le politique qui subsume ou qui l'emporte sur le pédagogique, hein, mais c'est l'inverse, c'est les pratiques pédagogiques qui vont à un moment réunir les deux jambes, si j'ose dire, de l'éducation nouvelle, la jambe droite et la jambe gauche. Sinon, on ne comprend pas ce qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale en France, et on ne comprend pas le rapprochement entre certains pédagogues, entre guillemets, de gauche, et certains pédagogues rattachés à la rénovation de la jeunesse, le projet de la Révolution nationale de Pétain et de ses ministres de l'éducation nationale, où on va voir s'agréger à un moment des gens de camps politiques très différents. Pourquoi ? Parce qu'ils sont d'accord sur les mêmes pratiques. C'est une pédagogie hors les murs, c'est une pédagogie sans les manuels scolaires, c'est une pédagogie fondée sur le milieu, et à ce moment-là, certains pédagogues se reconnaissent parfaitement dans les objectifs d'éducation de Jérôme Carcopino, par exemple, hein, le ministre de Pétain, dont Nathalie Duval le sait bien, parce que je crois que je l'ai lu dans vos travaux, qu'il est le fils de Joseph Carcopino, qui a été médecin à l'école des Roches. Oui. Donc ça, c'est très important, parce que la période de la Seconde Guerre mondiale, on va y venir après celle de la Première Guerre mondiale, est une période qui a profondément bouleversé ces questions de l'éducation nouvelle et par exemple à l'école des Roches, parce qu'il va y avoir la création d'une autre école qui sera une sœur, comme on disait dans les monastères de l'école des Roches, qui va se caler au pied des Pyrénées, du côté de Pau, à Maslac, et qu'il va y avoir là l'enseignement d'une pratique maurassienne et pétainiste de la plus belle eau, en l'occurrence à Maslac. Alors Maslac est une école qui n'était pas prévu. Le contexte de la guerre, la débâcle en juin 1940, explique le fait que Georges Berthier prenne la décision de fermer l'école des Roches et de protéger les élèves qui lui avaient été confiés, et trouve refuge au pied des Pyrénées, dans ce château à Maslac, où d'abord Louis Garonne sera le directeur pendant un an, avant d'être appelé effectivement à occuper un poste politique sous Vichy, dans le cadre de la Révolution nationale, donc auquel succédera André Charlier. André Charlier, donc, et le témoignage d'Henri Thierry Migue, donc, tel qu'il a été recueilli à propos de cette épopée, comme il l'appelle, de Maslac, lue par Nathalie Canoui. À Maslac, petite commune rurale et paisible, bordant le gave de Pau, à 2 kilomètres du chemin de fer et de la nationale Pau-Bayonne, entre Orthez et Lac, l'école s'est installée dans une propriété dite « Le Château », propriété d'une congrégation religieuse espagnole qui a regagné son pays après la guerre civile. Le matériel a été acquis pour partie par Verneuil. Le château et les communs abritent dortoirs, réfectoires, études, alors que le bâtiment des classes et l'infirmerie sont dans le village où seront logés les professeurs, chez l'habitant. Les travaux pratiques se dérouleront chez les artisans du village, forgerons, menuisiers, charpentiers ou vanniers. Seul l'atelier de peinture et de sculpture sera dans la serre du château. Le terrain de sport sera construit plus tard par les élèves. On imagine avec peine la pagaille qui règne à l'été et à la rentrée 1940. Mais progressivement, l'école bâtit son unicité à Maslac, sous la direction d'André Charlier, secondé de professeurs réfugiés, arrivé avec une seule valise pour tout bagage. À partir de 1942, la guerre est devenue mondiale. En novembre, les GIs américains débarquent en Afrique du Nord pour donner la main aux Anglais. En réaction, les Allemands occupent la totalité de la France et bien sûr Maslac. Menacé d'occupation allemande, le château s'en tire grâce au consul d'Espagne, qui témoigne de la propriété espagnole du lieu. En 1943, les conditions de vie deviennent encore plus difficiles et il faut beaucoup d'ingéniosité à l'économe Valode, puis à son successeur, pour nourrir 120 garçons qui ont faim. Et la vie de l'école est souterrainement troublée, puis exaltée par des événements extérieurs. D'abord, les nouvelles sur l'avancement des armées et les Français parlent au français, captés tant bien que mal sur les postes TSF des professeurs ou des postes à galène clandestins construits par des élèves. L'on surprend des discussions d'adultes qui se disent gaullistes, alors que d'autres s'obstinent dans leur attachement à Pétain et à Vichy. Des proches d'élèves sont appelés au CSTO, en Allemagne, et les grands de Maslac sont affectés à la surveillance de nuit de la voie ferrée pour, disait-on, prévenir des sabotages. Il y a les élèves dont le père ou le frère est parti rejoindre les forces françaises libres, ou les forces clandestines, voire est prisonnier de la police allemande, l'un d'eux étant même condamné à mort. Alors dans ce texte, d'ailleurs ce témoignage, il a été recueilli par qui d'Henri Thirimic, justement sur cette expérience de Maslac, en l'occurrence Nathalie Duval. Alors les deux premiers témoignages qui ont été lus ont été recueillis par moi-même lorsque j'ai coordonné un livre publié par l'Association des anciens élèves à l'occasion du centenaire de l'École des Roches. Et j'ai pu recueillir ces témoignages soit directement auprès des anciens élèves, soit par écrit lorsqu'ils me l'ont transmis. Alors là, en l'occurrence, on gomme un peu ce que vous avez noté, c'est-à-dire l'aspect maurassien de cette école de Maslac, donc très proche de Vichy, et donc avec ce qu'on disait tout à l'heure avec Emmanuel Saint-Fucien, une pédagogie nouvelle de gauche, incarnée par exemple par Célestin Freinet, qui pendant cette même période ou un peu avant avait accueilli dans son école avance des élèves venant de la guerre, des républicains de la guerre civile espagnole, et puis ceux qui témoignent de l'Espagne, enfin l'Espagne vient témoigner pour eux de la propriété de ce château de Maslac. Donc, ça n'est pas exactement la même façon d'envisager la politique, en tous les cas, pendant cette Seconde Guerre mondiale. Alors, l'expérience de Maslac est intéressante, puisque vous avez André Charlier, qui est conservateur, complètement pétri des idées maurassiennes, mais qui est aussi convaincu de ses méthodes innovantes et qui concilie cette école étonnante avec les méthodes actives, classe le matin, sport l'après-midi, le scoutisme aussi en zone libre, et en même temps avec une vision traditionnaliste de la société fondée sur la terre, les paysans, la grandeur d'âme, la foi catholique. Il est converti tardivement à l'âge de 15 ans et c'est un homme inspiré et qui souhaite transmettre à ses élèves cette vision de la terre, d'une société corporative, mais aussi avec des élites qui auront le sens moral. Donc, il leur adresse des lettres, les lettres au capitaine. Il en rédige une trentaine où, justement, il évoque cette grandeur d'âme et ce sens moral de responsabilité qu'ils doivent tenir dans cette société portée par le projet de rénovation sociale qu'est la Révolution nationale. Alors, pendant ce temps-là, Célestin Freinet, il fait quoi, en l'occurrence Emmanuel Saint-Fucien, pendant que se développe cette expérience de Maslac? Il est où pendant la Seconde Guerre mondiale, Célestin Freinet? Alors avant, il accueille, on l'a juste évoqué, les exilés, les enfants d'Espagne. Alors, ça me paraît extrêmement important, cette dimension-là, et je vais me permettre de le rapprocher du texte qui a été lu à l'instant, et de quelque chose qui est trop peu dit, voire à peu près jamais dit, qui pourtant me semble très important pour comprendre l'éducation nouvelle dans ses liens avec la guerre. C'est que l'expérience de guerre dans les salles de classe, dans les écoles, que ce soit l'école Freinet, l'école des Roches, ou l'école publique républicaine, ou l'école, d'ailleurs, ou les écoles britanniques, les gymnasiums allemands, etc., la guerre a, sur les mondes scolaires, une influence brutale, directe et radicale, je veux dire loin du front, hein, à l'intérieur des salles de classe. Mmh. Hein, c'est-à-dire qu'immédiatement, et c'est très important pour comprendre les années 20 et 30, entre 14 et 18, la guerre subvertit complètement les pratiques scolaires. Les programmes s'arrêtent. On a des activités nouvelles et des activités manuelles. On doit faire des colis pour envoyer sur le front, des confitures, des jardins scolaires pour cultiver, etc. Donc on sort des murs. Mais c'est pas à ce moment-là une expérience marginale. C'est une expérience partagée par des millions d'élèves et des centaines de milliers d'enseignants, de maîtres ou de maîtresses. Et vous dites aussi, Emmanuel Saint-Fucien, que dans ces pratiques pédagogiques, il y a la question de l'union sacrée entre l'enseignant et l'élève. Et ça modifie un peu, quelque peu, les rapports, justement, peut-être hiérarchiques entre le maître et l'élève. Non seulement ça les modifie, mais contrairement à ce qu'on pense, ça ne les modifie pas vers un renforcement de la discipline. Pas du tout. C'est même l'inverse. Puisqu'il y a un moment... Un partage de représentation, d'horizon d'attente, de peur, de deuil, de souffrance. Hein. D'abord, ça commence par une soif d'actualité. On lit la presse en salle de classe, entre élèves et enseignants. Hein. C'est ce que dit Freinet, on se serre les coudes. Donc ce partage-là est visible ensuite dans le deuil. On assiste ensemble aux enterrements. Dans la culture de guerre, hein, les quêtes, les collectes se font entre enseignants et élèves. Donc il y a ce partage-là. Véritablement, qui déhiérarchise à ce moment-là, hein, et qui va rendre possible ensuite les pédagogies nouvelles qui sont inventées, bien sûr, avant 14, mais qui tout d'un coup apparaissent possibles à tout le monde, puisque c'est de fait ce qui s'est passé dans les salles de classe européennes des pays belligérants entre 14 et 18. Et cette expérience de la Seconde Guerre mondiale, telle qu'elle est vécue par Célestin Freinet soi-même, elle la raconte le 15 février 1945 dans un texte pour la revue pédagogique bimensuelle de la coopérative de l'enseignement laïque, L'Éducateur. Pendant 20 mois, mutilé de guerre, malade et parfois mourant, j'ai traîné de prison en camp, suivi par un dossier qui justifiait à mon égard une surveillance particulièrement impitoyable. Du fait de mon isolement, notre école de Vence a été abandonnée et pillée. Il ne reste guère que les murs. Mais le matériel de la coopérative, entassé par la police dans les locaux, mis sous scellé, sera, malgré l'humidité et les rats, partiellement sauvé. Seuls sont définitivement perdus les listes d'adresses et la comptabilité emportées par les policiers. Au 6 juin, j'ai pris ma place dans le maquis FTP Briançonnet que j'ai aidé, puis dirigé. J'ai pris une part directe et décisive dans toutes les opérations de guerre de la région, dans l'accueil aux réfugiés, dans la réorganisation économique et administrative de l'arrière. Et je continue maintenant l'œuvre de la résistance au CDL de Gap. Le repos forcé des camps et le silence du village ont été utilisés par moi pour réfléchir sur ce qui était et reste le centre d'intérêt essentiel de notre activité. J'ai approfondi théoriquement, psychologiquement et philosophiquement ce que nous avions créé techniquement et pratiquement. De ces longues journées de méditation sont sorties des œuvres que je compte pouvoir mettre bientôt à la disposition de nos camarades. Seulement, ne nous leurrons pas. Nous sommes de ce fait éternellement gêneurs. Cet intrus dont parle Jules Payot, aussi bien accueilli que le voyageur qui entre dans la nuit dans un compartiment confortable où somnolent les corps assoupis dans la tiédeur moite. Les égoïstes, les marchands, les conformistes obstinés, les esprits étroits nous calomnient, nous insultent, essayant de nous ridiculiser ou même de nous abattre pour qu'ils puissent de nouveau dormir et exploiter à leur aise. C'est notre lot, nous le savons. Alors d'aucuns s'étonnent qu'à une époque où s'officialise notre pédagogie, Freinet ne soit pas dans les conseils du gouvernement, qu'il ne devienne pas une vedette des journaux d'avant-garde et qu'on le plagie, qu'on le copie en l'ignorant ou en l'attaquant. Freinet n'a pas d'autre ambition que de rester l'ouvrier obstiné de notre grande œuvre pédagogique. Vos témoignages obstinés lui apportent chaque jour la preuve qu'une place lui reste, la seule qu'il ambitionne. Celle du dévouement à la cause de l'école populaire, dans la chaude amitié et la fervente collaboration des meilleurs éducateurs de notre pays. Voilà ce texte du 15 février 1945 de Célestin Freinet dans L'Éducateur, où il parle de lui à la troisième personne. Donc il n'y a pas que De Gaulle qui parlait de lui à la troisième personne, mais aussi Freinet ou Alain Delon, mais en l'occurrence Freinet. Qu'est-ce que vous pouvez en dire pour nous éclairer? Demain, on parlera du plan Langevin-Wallon qui est issu de cette éducation nouvelle de l'après-Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce que vous voulez nous dire très brièvement pour terminer cette émission, Emmanuel Saint-Fucien? Il est évidemment trop tard pour en faire une analyse, mais juste, il termine en majesté, mais c'est une une majesté issue de son expérience de guerre. Il termine en majesté de pédagogue en guerre. Je veux juste souligner quelque chose en 30 secondes, c'est que Freinet n'a pas été interné par Vichy, comme on lit toujours, puisqu'il est interné en mars 40, donc il est interné par les autorités républicaines pour son appartenance au Parti communiste et son refus de dénoncer le pacte germano-soviétique. Il y aura ensuite toute une pérégrination dans les camps très compliquée, mais... Je n'ai pas le temps. C'est une autre histoire. Et on le lira dans votre livre, Célestin Freinet, un pédagogue en guerre chez Perrin. Un dernier mot, oui, Nathalie Duval. Un dernier mot. Je voudrais ajouter que la devise de l'école, bien armée pour la vie, Georges Berthier a contribué à introduire la notion de service et prêt à servir. Donc l'école des Roches, arme pour la vie et prépare à servir. C'est ce patriotisme aussi qui est commun à tous les élèves des Roches de Maslac, des Roches de Clair ou d'autres écoles nouvelles même apparues dans l'entre-deux-guerres, Saint-Martin de France à Pontoise par exemple. Et je aimerais citer Emmanuel de Sartige qui, pour dresser le bilan de son passage à l'école des Roches, a dit, je dirais qu'elle nous a donné le sens du devoir, le goût d'entreprendre, le maintien de l'honneur. Oui, et même dans un contexte un peu difficile quand même pendant cette Seconde Guerre mondiale où quand même la position de Georges Berthier, de tous ceux qui étaient autour de lui, n'étaient pas si clairs que ça en l'occurrence, vis-à-vis de l'occupant en particulier. Le patriotisme était évident, hein, et oui. Puis que ce soit André Charlier qui assimile les nazis aux barbares, hein, mm-hmm. Donc il s'attache au programme de la Révolution nationale, mais reste patriote. Merci à tous les deux. Nathalie Duval, on peut lire votre École des Roches chez Belin, et Emmanuel Saint-Fucien, votre Célestin Freinet qui vient tout juste de sortir chez Perrin, un pédagogue en guerre. Merci, et on se retrouve demain donc pour évoquer avec vous, Cyril Nattard, le quatrième volet de notre série. Voilà, le plan Langevin-Wallon. Plan donc issu de cette éducation nouvelle et qui ne sera... Et de la résistance. Et de la résistance et qui ne sera jamais vraiment appliqué. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Aurélie Marcet et Francesca Fossati. Yanis Djoudal était avec nous à la technique aujourd'hui et Anne Fleury à la réalisation. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, allez donc sur le site internet de France Culture. Vous pouvez également discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou encore nous suivre sur le réseau Twitter. L'adresse Twitter de la Fabrique, c'est Fabrique FC. Fabrique FC.